incroyable, pas toujours faux. Passion qu'a ébranlé la vérité, quelquefois. Intelligence, oublier tout type principe, élever ton job vers ça qui plie grand. Raison qu'a trompé nous, bien plus souvent qu'il la nature. pas tout chanter. Peux pas t'aimer encore. Peux pas même quand t'es comme moi. J'aimerais pas arrêter place pour vous. Pour tout vraiment changer encore. Si nous t'essayons de comprendre ça, nous pas t'es qu'à écrire là. Écoutez de tout. Si nous t'essayons de comprendre ça, nous pas t'es qu'à écrire là. Parle-moi l'amour. Moi pas arrêter face pour parler. Moi pas arrêter face pour pleurer. Moi pas arrêter face pour penser. Mais moi arrêter face pour chanter. Peux pas qu'aimer encore. Peux pas même compter comme moi. J'aimerais pas arrêter place pour vous. Pour y tout vraiment changer encore. Thank you. tout 973. Nostalgie.com. ton sourire heureux et ton regard aussi charmant. La vie a pas.